cherche des raisons de vivre et la dépression vise. Mes rêves sont brisés, je traîne près des zombies. Je baisse les maisons de 10, ok ils sont le bif de speed. Si les gueux speak et les gueux speak, c'est la même partout. Tu me diras, la mer tu me biras, mes souvenirs, j'en ai marre tous. Dans le cirage 24 sur 24, okay. Besoin de cash, mets les mains sales sur un spa. Ça pue la traîtrise, entouré de vautours. Nous on est très vite, entre 10 drogues et Pro Tools. Usine à rime, moi j'épuise le dictionnaire. Et y'a tant qu'y a de gueules de bois que je fuis le soleil. Comme tout mon préau, nique l'amour boy. Le cœur brisé, je baisse sur du infamous mob, okay. Les petits jaloux pleurent, okay. Mon trône autostop, okay. Mon équipe à tout le beurre et trace en motocross. En mode au futur, j'ai pas sûr, ça passera plus tard. J'ai les dents de Dracula, il est temps de faire du cash. Chez moi ça pue le mal, franchement je m'amuse pas. Y'a poisson en embuscade, derrière chaque banc du parc y'a les putains bulgares. De l'alcool, des balcons, mes potes refont ton balcon. Pendant que tu regardes Malcolm, cousin. Y'a plus de time, 0-5 anti-tech, à peine ou Harry Potter. Transforme les grammes en billets. Capuche au crâne en hiver, y'a peu de merco dans le tchèque. Pour oublier certains trucs, j'envoie mon cerveau dans le ciel. Ça joue les gangsters, la rue et moi en tandem. Votre monde, je l'emmerde. Depuis que j'ai plus mes dents de l'air, putain, okay. On visite l'enfer. De la Smirnoff dans le verre, on sent aussi immortel que Christophe Lambert. C'est pour les petits fins dans le tchèque. J'marche un petit air en tête. Ma vie, c'est un ouragan et j'sors une mixtape tempête. Tourmenté comme Van Gogh, la vie, mais pas de gants de bot. Et plus mal un transport que la farine de Bangkok, ok. Marécage, marécage, je suis oublié des armes, ok. Calme-moi, je m'en prends le dédit de pierre. Pour 1000 boules, je te ramène 2 iPhone et 10 grammes. Billets, on va ma MIFA. Merde, j'ai plus de batterie. Bloqué dans notre matrice, on veut se barrer à Madrid. Moi, je suis amoureux de ma street, vie douloureuse matrice. Je m'agrippe, c'est pas tout pour eux. Moi aussi, je veux une Porsche toute neuve. Parce que je m'active ou que la poudreuse m'attire. Moi, je suis toute que sale bitch, je veux tout le verre, je m'active. Écoute l'ami, on mange des coups de fatigue. Et c'est avec une tronçonneuse que je découpe ma rive. Look la whip, 0-5 shoot l'arbitre. Ça part du look à la twist et finit dans toute la ville. Baver quand tu regardes les clips sur YouTube, sur Dailymotion, sur un des 05 TV, négro, hein? Aïe, looping, aïe, aïe, aïe.